fait pas un pas sans barre ouf 9-4. Les macaques braillent tandis qu'on fait nos brailles. Jizzy Jizzy. Dans le club par accident, tu on défouraille. On charge pour on défouraille. On lance roquettes, se fait la maille. Que les gays écartent déterminés. En direct de la jungle bétonnée, ça va cogner. Trop viril pour sucer, on va violer. La testostérone dans le phrasé. Imprimable, dopé, opé. La duzo, viens pas clasher. Va te perdre sur ma space, y'a que le bif qui fait cracher. La chaîne dirty sable, là le sucrade. Rien qu'à l'écrit, on se fait flasher, bon qu'à piétiner. Les gros cafons gorilles. Les gros black King Kong 9-4. C'est lourd comme King Kong, ça grille. C'est le son de King Kong, ça vient. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. Vos putains de mains en l'air. Violent, fais rien poliment. Sex, Mike, drogue, voilà ce qu'il vend. Lyrics, burn-out, un flow de dimanche. Bug tous les GPS. C'est la PS. Règne mieux depuis que Sky a fermé le robinet. Négro, c'est le son de la haise. Le bug il traîne mais jamais descend. En phase avec la street. On fait pas dans le shit. Baisse sur Pro Tools, agressif comme Ourcan. Parce qu'il s'agit de chiffres. Bas les couilles de ce qui grouille en bas. Tellement haut, la vue c'est ripa. Action Paribas, Gamos, Rosta. Dans ces tripes là, ta bitch qui strip là. 9-4 c'est Hapta. Laisse passer le mastodonte, joue pas au camp. Flambeau le massif, Paris et ses environs. Regarde-toi du pif, lève tes mains full box. 9-4, fall le monstre King Kong, ça fait. Laisse passer le mastodonte, joue pas au camp. Flambeau le massif, Paris et ses environs. Regarde-toi du pif, lève tes mains full box. 9-4, fall le monstre King Kong. Les gros cafons gorilles. Les gros black King Kong 9-4. C'est lourd comme King Kong, ça grille. C'est le son de King Kong, ça vient. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. Au département contre département, le voile de monstre écrase ton bâtiment. Fais nos poubelles pour un flot décent. C'est du sale, c'est du crack. Montez comme la tour Eiffel, on prend le succès à 4 pattes, vise la patte. Faire un français largué, DJ tu sus. Crier comme une puce, on a la rage des russes. Donc on veut plus, plus, plus. Laisse passer le mastodonte, indomptable dominant. Notre sens pousse comme la fonte, brille, brille comme des jantes. Respecte ou finis que jade, jacques, que jacques. On boule des satellites rac. Ça pue les liasses, pas de doute. Une fois dans le sas, plus de casque à la N7, ça rase. Les gros cafons gorilles. Les gros black King Kong 9-4. C'est lourd comme King Kong, ça grille. C'est le son de King Kong, ça vient. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. Les gros black King Kong 9-4. C'est lourd comme King Kong, ça grille. C'est le son de King Kong, ça vient. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong. 9-4 c'est King Kong.